C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centraure, www.centraure.qc.ca ou encore le www.quebecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N, Trédignon, R-O-C-K. Cette semaine, brûle sur mes lèvres, Isabelle Cyr. Quatrième album pour l'auteur-compositrice-interprète acadienne Isabelle Cyr, « Brûle sur mes lèvres » est sûrement le plus intense, mais le plus caressant en même temps. Le premier constat que l'on fait en écoutant cet opus est la force des cordes. Grâce au brio de Benoît Groux, celle-ci s'impose comme une toile de fond de l'album et nous caresse comme une brise au bord de mer. Après la première pièce « Sous les yeux d'une lune », un bel instrumental signé Yves Marchand, commence la séduction inévitable avec « Une nuit sans lendemain » qu'on va entendre dans quelques instants. Une de mes préférées de l'album, c'est un petit air de jazz caressant déposé avec délicatesse sur une mélodie à la Pat Metheny un peu, avec un petit rythme là, qui nous entraîne. Tout au long du disque, on se laisse caresser chanson après chanson, que l'on pense à la berceuse « Faut que toi qui danses », l'intensité de « Tombe les murs » ou encore le mystère derrière un tango nommé « Désir ». Je vous donne bien sûr une adresse pour vous procurer ce disque. Il y a le www.isabellecyr.net ou encore le distribution plage, www.plage avec un S. .net pour tout simplement mettre la main sur ce disque « Brûle sur mes lèvres » d'Isabelle Cyr. On va y aller avec une première pièce, la première chanson qui est la deuxième plage, « Une nuit sans lendemain ». Voici l'auteur-compositrice-interprète acadienne Isabelle Cyr. Une plume noire si le papier douce nuit des amoureux qui s'enlacent et qui s'enfuient et au matin une nuit sans lendemain. Encore un aveu qui se perd au nord. Douce nuit, comme un doux parfum qui m'embrasse et qui s'enfuit. Et au thank you. Les 11 pièces de ce disque sont superbes, mais il y en a deux qui sont magistrales. L'eau de tes chagrins est sans contredit le texte du disque. Il nous amène dans la profondeur de l'âme où se trouvent toutes les blessures, tristesses, désarroi et incompréhension suivant le suicide d'un enfant. On y retrouve également toute la force du piano et du violoncelle. Aux couleurs d'automne, nous est proposé un autre chef-d'œuvre, Rêve perdu, qu'on va entendre en fin de commentaire. C'est un autre excellent texte dont la lourdeur des émotions nous est livrée par une trame puissante grâce à une interprétation magnifique du piano, violoncelle et bien sûr cette belle voix divine d'Isabelle Cyr. Le crescendo final avec le cœur d'enfant nous fait tous craquer. Donc, si vous voulez mettre la main sur ce disque, allez faire un tour sur isabellecyr.net ou distribution plage, www.plage.net. Et voici la plus belle chanson, L'eau de tes chagrins. y a de ces disques inexplicables qui viennent nous chercher et faire remonter à la surface des émotions si longtemps renflouées. Brûle sur mes lèvres, quatrième opus de l'auteur-compositrice-interprète Isabelle Cyr, réalisé par Yves Marchand et elle-même, se classe aisément dans cette catégorie. L'artiste acadienne nous livre des textes merveilleux sur des mélodies profondes tout en douceur. Elle nous chuchote un bouquet d'émotions qui nous fait du bien, qui arrête le temps. Pour ceux qui recherchent une caresse pour l'âme, vous devez tendre l'oreille à Brûle sur mes lèvres. Visitez le www.isabellecyr.net ou encore le www.plageavecuns.net. On va y aller avec une dernière pièce, un autre excellent texte de l'album dont la lourdeur des émotions nous est livré par une trame puissante grâce à l'interprétation du piano et du violoncelle. Voici « Rêve perdu ». Thank you.

C'est tout simplement les valises. La pièce Requiem pour les jours de Bohème. J'adore cette pièce-là, qui me fait penser, dans les années 70, je me souviens, il y avait une pièce qui s'appelait Concerto pour une voix. C'est un peu le même genre d'émotion. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, on va y aller avec deux nouveautés. Premièrement, Céleste Lévy qui nous propose une chanson, Laissez aller. Ça me fait drôlement penser à du Fleetwood Mac au niveau des guitares et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'on va entendre une chanson de M. Bernard Côté, Tibout. Fort intéressant, là aussi. Très, très bonne pièce folk. Mais pour l'instant, voici la charmante Céleste Lévy. J'ai plus rien m'emporter, plus loin que dans ce lit. J'ai tout laissé tomber, j'ai tourné le dos. J'ai couvert mes yeux sans dire un moindre mot. Et j'ai décidé que tout finit par se trouver. Même si je cherche encore, faut pas se perdre dans le dégât. J'ai compris pourquoi faut prendre et en laisser. Rempli de pourquoi pas et de tout va bien aller. On vit déjà toi petit bout, et toi petit bout, tu nous envoûtes toujours plus fort.